emmener dans un voyage galactique non pas vers le futur comme on pourrait s'y attendre, mais vers le passé. Archéologie galactique au programme pour tenter de comprendre et de reconstituer l'histoire de la Voie lactée. Le microbiote, vous savez ce que c'est, on ne parle plus que de ça, mais saviez-vous que nous en avons plusieurs dans l'intestin, dans la bouche, sur la peau, dans les poumons, dans les muqueuses, on vous dit tout sur l'holobionte. Et enfin, la réponse à la question que vous vous posez depuis tout temps, mais pourquoi sont-ils si mignons? On vous explique pourquoi les animaux domestiques sont vraiment trop... Oh. Voie lactée, holobionte et mignonnerie animale, c'est le programme trop kawaii qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme, ils sont eux aussi beaucoup trop mignons. C'est la petite famille trop mimi des vulgarisateurs du vendredi. Bonjour Caroline Tourbe. Bonjour. Chef du pôle santé, médecine de Science et Vie. Bonjour Sylvain Guilbeault. Bonjour. Du magazine La Recherche. Et bonjour Pierre Kerner. Bonjour. Auteur de Moi Parasite chez Belin et du blog Strange Stuff and Funky Things. Mais elle est à elle toute seule plus mignonne que toutes les vidéos de petits chats dont on gratte le ventre que vous pourrez voir en... C'est Natacha Triou. Bonjour Nicolas. Pour le journal des sciences. Le journal des sciences. Et on commence avec le premier sujet de ce journal. La 25e édition du SIDAction débute aujourd'hui et Santé publique France vient de publier son rapport sur l'évolution annuelle de l'infection au VIH et l'épidémie ne recule pas, Natacha. En 2017, plus de 6400 personnes ont découvert leur séropositivité. Ce sont des chiffres qui stagnent alors qu'on espérait les voir baisser. D'une part parce qu'en France, on est dans un pays où une grande proportion de gens diagnostiqués sont sous traitement et rappelons-le, une personne bien traitée n'est plus contaminante. Ça contribue à diminuer le risque de transmission. Et d'autre part, les modes de prévention se sont diversifiés. La PrEP, par exemple, le traitement préventif est efficace et disponible pour tous. Mais il y a des données problématiques dans ce rapport. 52% des personnes diagnostiquées n'avaient jamais fait de dépistage auparavant. Et autre donnée, qui nous vient d'un sondage commandé par le SIDAction, 23% des 15 à 24 ans s'estiment mal informés sur le sida. C'est le taux le plus élevé depuis 2010. Jean-Paul Viard est professeur de médecine à l'Université Paris-Descartes et infectiologue à l'Hôtel Dieu de Paris. On l'écoute. C'est la grande stabilité depuis maintenant une dizaine d'années, avec chaque année à peu près 6000 personnes qui découvrent leur infection par le VIH. Et évidemment, le constat, il est toujours le même, c'est-à-dire que on dépiste beaucoup en France. Je crois qu'on a fait près de 6 millions de dépistages d'infections par le VIH en 2017. Mais le taux de dépistage positif reste très faible, de l'ordre de 2 pour 1000. Ce qui veut donc dire que le dépistage n'est pas orienté vers les bonnes personnes, très probablement. La deuxième chose, c'est que on est peut-être à la croisée des chemins maintenant, puisque, comme vous le savez, a été mise en place en France depuis maintenant 2 ans, la prévention de l'infection par le VIH par les médicaments, ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Mais l'année de 2017 n'est pas celle qui peut nous dire si ça a atteint son objectif, c'est-à-dire de réduire l'incidence de l'infection par le VIH chez les personnes les plus à risque. C'est trop tôt. L'autre donnée importante dans cette étude, c'est que 30% des diagnostics sont des diagnostics tardifs, c'est-à-dire à un stade avancé de l'infection. En moyenne, il y a 3 ans et demi entre la contamination et le début du traitement. On estime donc qu'environ 28 000 personnes sont porteuses du VIH sans le savoir. C'est ce qu'on appelle l'épidémie cachée. Le nerf de la guerre, donc, c'est le dépistage. Des villes se mobilisent pour être des villes sans sida. À Paris, Nice, Bordeaux, à partir de juillet, on va pouvoir se faire dépister dans n'importe quel laboratoire, gratuitement et sans prescription. Dominique Costagliola est directrice de recherche à l'INSERM. Elle travaille sur l'infection VIH depuis 1986 et elle est présidente de l'action coordonnée dynamique des épidémies d'infection VIH de la NRS. Alors pour elle, les politiques préventives pour contrôler l'épidémie reste insuffisante. Il ne va pas reculer tout seul, le chiffre. Je pense qu'il faut qu'il y ait des actions, et en particulier ciblées sur le dépistage, pour améliorer les choses. Quand on compare à d'autres pays dans le monde, donc, comme j'ai dit, finalement, en France, grâce à notre système de soins, même s'il n'est pas parfait et même s'il a des soucis à l'heure actuelle, une très grande majorité des gens qui ont eu un diagnostic est sous traitement avec une charge virale contrôlée, qui est l'objectif à atteindre. là où ça pêche encore pour qu'on arrive à contrôler l'épidémie, c'est le délai entre l'infection et le diagnostic. Il faut faire diminuer ce délai. Il y a des travaux de modélisation qui montrent qu'il faudrait que 90% des gens soient diagnostiqués dans l'année qui suit leur traitement pour qu'on voit un impact fort sur le nombre de nouvelles infections et forcément derrière le nombre de nouveaux diagnostics. C'est pour ça qu'il faut vraiment combiner l'ensemble des approches si on veut arriver à quelque chose. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait des actions proactives pour améliorer le diagnostic et le dépistage. Et aussi, je crois que dans beaucoup de tranches de la population, finalement, on pense que le problème est réglé, que maintenant, c'est pas grave. En bref, après la galaxie naine DF2, les chercheurs ont découvert une seconde galaxie qui serait dépourvue de matière noire. Oui, c'est DF4. Alors en 2016 déjà, la découverte de DF2 avait été une secousse pour les astrophysiciens. Et le modèle cosmologique, un standard, prévoit que la matière noire est indispensable à la formation des galaxies. Alors ici aussi, chez DF4, aucune trace non plus de matière noire. Elle a été observée avec plusieurs téléscopes dont Hubble et Dragonfly et habituellement, la totalité de la masse d'une galaxie n'est pas visible. Alors comment ces galaxies se sont formées sans matière noire? Sont-elles soumises à des gravités alternatives? À quel point sont-elles répandues dans l'univers? La découverte de DF4 ouvre de nombreuses questions. La Commission européenne, le Conseil européen de la recherche et le projet Event Horizon Telescope vont annoncer des résultats dits révolutionnaires sur Sagittarius A étoile, qui est le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, Natacha. Mercredi 10 avril à 15h sera dévoilée la première photo du trou noir supermassif. En astrophysique, c'est historique. Cela fait des années que les observatoires du monde entier cherchent à en obtenir la première image. Alors rappelons qu'un trou noir est par définition invisible. Ce qui le rend apparent, c'est l'horizon des événements, c'est-à-dire son contour. Voilà, et on consacrera bien évidemment une édition spéciale du Journal des Sciences mercredi pour vous raconter exactement ce en quoi consiste cette découverte et cette image qui risque certainement d'être très impressionnante. Deuxième sujet de ce journal des sciences, une étude parue dans Science revient sur les océans et leur capacité à absorber et à pomper le CO2. Les résultats publiés confirment ce que l'on sait depuis longtemps, les océans absorbent une grande quantité de gaz carbonique, c'est ce qu'on appelle un puits de CO2. Comme il y a des puits terrestres, la forêt ou la tourbière par exemple, il y a un puits océanique. Et on pensait qu'il pouvait progressivement s'épuiser, être de moins en moins efficace. Mais les chiffres sont stables. Ce travail montre qu'entre 1994 et 2007, l'océan a absorbé 34 milliards de tonnes de carbone, ce qui représente environ 30% des émissions de CO2. C'est comparable à ce qui s'est passé durant ces 150 dernières années. Jean-Pierre Gattuso est chercheur au laboratoire d'Océanagri de Villefranche. Pour lui, c'est une bonne nouvelle, mais il y a un prix à payer. C'est une bonne chose, en fait, qu'on ait ces puits de CO2, parce que si on ne les avait pas, on aurait des changements climatiques qui sont encore plus puissant que ce que l'on attend dans le futur. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que l'acidification des océans, qui résulte de cette absorption du gaz carbonique, elle va donc continuer. L'acidification des océans donc, est directement proportionnelle à la quantité de CO2 échangée. Donc l'acidification des océans, c'est quand même un problème. Donc l'océan nous rend un grand service, mais par contre, les conséquences pour les écosystèmes et les organismes marins risquent d'être sévères. C'est une bonne nouvelle pour le changement climatique que l'océan continue à absorber 30% de nos émissions de CO2, plus exactement. Mais il ne faut pas perdre de vue que les conséquences de cette absorption, qui sont l'acidification et l'impact sur les organismes calcaires, la chaîne alimentaire, etc. Donc c'est le fait que l'océan continue d'absorber du CO2, c'est pas une bonne raison pour ne pas s'engager à fond dans l'atténuation et dans l'implémentation de l'accord de Paris. En bref, on s'en doutait, mais nous n'en avions pas encore de preuves scientifiques. C'est maintenant chose faite, les oiseaux marins sont bien capables de pressentir l'arrivée des cyclones. Et l'étude vient d'être publiée dans Scientific Reports. Elle montre, grâce au système de télémétrie par satellite, comment les oiseaux modifient leur trajectoire pour éviter la route du cyclone. Même à plusieurs centaines de kilomètres, les frégates changent de comportement. Le diable de Tasmanie est en train d'évoluer pour coexister avec son cancer. Et depuis 1996, une maladie est en train de décimer cette espèce. Il s'agit d'un des rares cas de cancer contagieux, une tumeur faciale. Mais l'hécatombe pourrait peut-être prendre fin. Le système immunitaire des animaux est en train de se modifier. Le marsupial développe des anticorps. Et pour une trentaine d'entre eux, la tumeur régresse. En seulement 6 générations, c'est un exemple d'évolution très rapide et donc très surprenant. Néanmoins, l'animal reste toujours en grand danger d'extinction. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, la semaine dernière, nous vous parlions de l'impact de la musique sur le fromage. Aujourd'hui, une étude s'intéresse à l'effet de la musique, mais sur les moustiques cette fois. Et le dubstep, notamment, est un très bon anti-moustique, Natacha. Les résultats sont lisibles. C'est une expérience qui a été réalisée, qui a été publiée dans la revue Acta Tropica. Une équipe internationale cherchait une alternative écologique aux insecticides. Ils ont pensé donc au dubstep. Ils ont enfermé des moustiques qui ne s'étaient pas nourris depuis 12 heures avec un hamster. Et ils ont diffusé pendant 10 minutes ce morceau. Attention. Non, restez, ne éteignez pas votre radio tout de suite. On en reste donc vraiment, ça devient n'importe quoi la méthode scientifique. Voilà, donc résultat en tout cas, les moustiques, on peut couper, on peut arrêter. Résultat, avec cette musique, les moustiques cessent de se reproduire et surtout de s'alimenter. Ce sont les hautes fréquences du dubstep qui perturbent leur perception et leur orientation. On sait ce qu'il nous reste à faire pour nos prochaines nuits d'été. Il y a un petit problème de corrélation avec le sommeil qui va pas du tout bien se passer. Enfin bref, merci beaucoup Natacha. Petit tour de table, peut-être pour revenir à un sujet sérieux, puisque on le disait tout à l'heure, c'est le début du site d'action aujourd'hui. Caroline, comment est-ce que la France en est arrivée à devenir un des mauvais élèves mondiaux dans la lutte contre le VIH? Parce qu'on sait qu'en Angleterre, il y a des grandes villes, Londres, San Francisco, qui ont réussi, en développant des stratégies transversales, à faire régresser jusqu'à 40% le nombre de contaminations. Et en France, on plafonne. C'est un peu ce que disait votre deuxième intervenante. C'est que c'est vrai qu'il faut cibler plus le dépistage. L'un des soucis, c'est vraiment ça. C'est peut-être un relâchement dans l'information, un relâchement dans la possibilité d'accès, d'accéder aux tests et à cette information sur la disponibilité des tests. Puis peut-être aussi l'idée, mais ça c'est commun à beaucoup de pays occidentaux, que on s'en sortait, que le sida c'était plus si grave, que c'était pas une maladie qui pouvait faire aussi peur qu'avant. Et donc c'est un relâchement global. Je pense que la France en est en effet plus victime. Enfin, je pense pas d'ailleurs, c'est ce que disent les chiffres. Par rapport à d'autres pays occidentaux, vraiment, on commence à être des mauvais élèves. Ouais. Voilà, faut rappeler que le sida, même si effectivement, grâce aux dernières thérapies, aux multithérapies, ça peut devenir heureusement une maladie chronique, il y a quand même beaucoup de, je crois, jusqu'à 10% de personnes qui sont résistantes au traitement. Et puis c'est très bien dit, tant que tous les gens qui sont contaminés ne le savent pas, ne prennent pas les dispositions pour, et ben le virus continue à courir. D'autres choses, Sylvain, peut-être quand même cette maladie, non, c'est intéressant comme lapsus, merci, allô Lacan, cette galaxie sans matière noire. Oui, ça c'est un résultat qui donc est dans la suite de ce résultat de l'année dernière, où une première galaxie sans matière noire avait déjà été détectée par cette même équipe donc de l'université de Yale aux États-Unis. Et effectivement, ça pose question. Il y avait eu beaucoup de débats autour de cette première observation l'année dernière, puisqu'on se demandait si elle avait été faite dans des bonnes conditions, si la distance à laquelle on supposait qu'était cette galaxie était la bonne. Là, du coup, on a une deuxième galaxie, donc ça renforce finalement la confiance qu'on peut avoir dans ce résultat, même si c'est une petite galaxie qui tourne autour d'une plus grosse galaxie, donc c'est toujours cette même grosse galaxie, donc peut-être que des mêmes effets peuvent expliquer ce résultat. Donc il faudrait essayer d'observer encore plus de galaxies sans matière noire pour être sûr. Et bizarrement, paradoxalement, une galaxie sans matière noire, ça pourrait au contraire confirmer l'existence de matière noire. Ça voudrait dire que, en fait, matière normale et matière noire pourraient se découpler, ce qui signifierait qu'effectivement il existe deux types de matières bien différentes. Un petit mot aussi sur cette annonce, puisque on attend ça avec une impatience frénétique quasiment. Non mais c'est vrai. C'est un résultat qui va faire beaucoup parler. D'ailleurs, aujourd'hui sur le site du magazine La Recherche, on a publié un petit article pour faire le point, parce que donc c'est le résultat de l'Event Horizon Telescope qu'on attend le 10 avril prochain. Donc le mercredi prochain donc. L'Event Horizon Telescope, c'est un réseau mondial de radiotélescopes, donc vraiment des radiotélescopes situés sur tous les continents de la Terre, y compris en Antarctique, qui ont donc observé le trou noir central, la région centrale de notre Voie lactée, mais aussi ils ont observé un autre trou noir situé dans une galaxie plus éloignée, M87, qui est plus loin, mais qui est encore plus gros que Sagittarius A étoile, qui est le trou noir de notre galaxie. Donc en fait, il y a une petite incertitude sur Quel résultat est-ce qu'ils vont annoncer? Est-ce que c'est le trou noir de notre galaxie, le trou noir de cette autre galaxie éloignée? Dans tous les cas, ce qu'on attend avec impatience, c'est vraiment une première image directe de l'horizon des événements d'un trou noir. Donc on verra la lumière émise par la matière qui n'est pas tombée dans le trou noir, mais qui gravite autour de son horizon. Et donc éventuellement, on attend enfin cette image. Qui a été prédite, prévue, on en a fait, Kip Thorne a essayé de le modéliser, on va voir si ça ressemble effectivement à ça. C'est vrai que c'est assez excitant, et je vous le redis, hein, mercredi, on fera justement une petite édition spéciale pour commenter ces résultats, notamment avec Jean-Pierre Luminet, avec des astrophysiciens qui nous parleront de cette première image de l'histoire de l'humanité d'un trou noir supermassif. Pierre, il y a des choses qui vous ont... Tout à fait, moi, ce qui m'a vraiment parlé dans cette actualité des sciences, c'est cette histoire avec le diable de Tasmanie, ouais, qui se retrouve confronté avec un parasite hors du commun, puisque c'est un cancer contagieux. Et donc, en termes évolutifs, c'est, je trouve, assez passionnant de voir, du coup, un hôte qui va être en lutte avec son propre génome. C'est-à-dire qu'il est en train de trouver une solution évolutive au fur et à mesure des générations de ceux qui survivent pour pouvoir détecter son propre génome sans se détecter lui-même. C'est quelque chose qui, à mon avis, est fascinant. Et donc, de savoir que c'est possible, ça a peut-être des perspectives heureuses pour nos propres cancers à nous. Et puis surtout, dans une temporalité très courte en termes d'évolution, parce qu'on parle de 6 générations à peine, et c'est vraiment très rapide. Un dernier mot peut-être, ou Caroline, sur les diables de Tasmanie, ou sur les moustiques, vous qui écoutez beaucoup de dubstep. Mais tout à fait, oui, ça m'a bien intéressé cette histoire de moustiques. En effet, je me fais la même réflexion que vous, genre, donc dans l'expérience, les scientifiques, les moustiques et les hamsters dormaient pas, c'est ça? Personne, ils ont terminé éreintés. Et donc, bien, on va parler de notre Voie lactée, alors pas encore de Sagittarius à étoiles, mais de son histoire. On sait de notre galaxie, de notre Voie lactée, donc, qu'elle s'est formée assez tôt dans l'histoire de l'univers, vers 13 milliards d'années. On sait qu'elle a absorbé d'autres galaxies qui sont venues grossir le nombre d'étoiles en son sein. On sait donc qu'il y a ce fameux trou noir dont on attend la photographie en son centre, mais... Finalement, quand il s'agit de détailler son passé, la tâche est plus ardue. Et c'est une nouvelle histoire de notre galaxie chérie que vous racontez dans la recherche de ce mois-ci. Sylvain Guilbeault, vous qui n'êtes pas de notre Voie lactée, mais qui l'avez traversée. Oui, effectivement, on revient sur la Voie lactée, puisque l'année dernière, ont été publiés ce qu'on appelle le deuxième catalogue du satellite Gaïa, qui est donc un satellite qu'on a envoyé dans l'espace pour scruter les étoiles de notre galaxie et les mesurer très précisément, à la fois leur position, leur mouvement, ce qu'on appelle aussi la lumière qu'elles émettent. Et en fait, ça donne une masse d'informations sans précédent, qui permet de faire des études sur effectivement comment s'est formée la galaxie, comment est-ce qu'elle évolue et comment est-ce que dans le futur, à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler. Alors, c'est vrai que c'est une histoire assez récente, puisque faut quand même se rappeler que ça fait moins d'un siècle déjà qu'on sait qu'on habite dans une galaxie. Avant, c'était pas clair s'il y avait un seul ensemble d'étoiles dans l'univers, ou s'il y avait plusieurs petits îlots d'étoiles isolés. C'est avec les résultats de Hubble, dans les années 1920, qu'on sait effectivement qu'on habite une galaxie et qu'il y a autour de nous d'autres galaxies, donc des rassemblements. Il y a des centaines de milliards de galaxies et nous ne sommes que dans l'une d'entre elles. Et dans l'une d'entre elles qui contient quand même 200 milliards d'étoiles. Et ces 200 milliards d'étoiles ne sont pas les seuls constituants de la galaxie. Il y a aussi du gaz et de la matière noire qu'on évoquait dans le journal des sciences, qui est un peu mystérieuse, mais dont on suppose l'existence à cause justement du bilan gravitationnel qu'on peut faire, notamment là, avec des instruments comme Gaïa, qui donc mesurent le mouvement des étoiles et donc peuvent en déduire le champ gravitationnel qui les fait se mouvoir. Et justement, la question, vous l'avez dit, cette Voie lactée, on sait qu'elle s'est formée très très près, très proche du début de l'univers, qu'on appelle le Big Bang, donc 13 milliards d'années ou un peu plus. Mais au final, on sait assez peu de choses sur comment est-ce que ça s'est formé, comment est-ce que comment ça a évolué. On sait depuis les années 1920 de l'anatomie globale de la Voie lactée pour la rappeler en deux mots. On sait que la galaxie a donc une forme de disque, et finalement quand on regarde, si on a la chance de pouvoir s'éloigner un peu de la pollution lumineuse de la nuit, on voit cette traînée blanchâtre dans le ciel qui est effectivement vue de notre système solaire, qui est donc situé à l'intérieur de ce disque, eh bien, c'est comme si nous voyions ce disque par la tranche dans le ciel. Et donc, nous voyons une traînée blanchâtre qui apparaît comme uniforme, mais qui en fait est constituée de ces centaines de milliards d'étoiles séparément, qu'on ne peut pas résoudre à l'œil nu, mais qui produisent cette clarté uniforme. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes avec la Voie lactée, c'est que pour pouvoir l'étudier alors qu'on est à l'intérieur, c'est particulièrement compliqué, oui. Parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup de choses qui obscurcissent et qui nous empêchent finalement de voir clairement la structure de notre galaxie. Absolument. D'ailleurs, faut quand même rappeler que si on aura peut-être bientôt une image du trou noir de la Voie lactée, on n'aura jamais, enfin en tout cas c'est pas du tout à l'ordre du jour, une image de la galaxie, une vraie image de la galaxie en elle-même, puisque ça voudrait dire pouvoir s'extraire de la Voie lactée, et là on en est très loin. C'est pas tout à fait le niveau scientifique encore. Alors justement, ce catalogue Gaïa, qu'est-ce qu'il a mesuré, en quoi il consiste en fait, quel type de relevé a fait le satellite? Alors voilà, en fait Gaïa a mesuré la position d'environ 1% des étoiles de la galaxie. Alors 1%, ça peut paraître pas beaucoup, mais sur 200 milliards, ça fait en gros 1 milliard d'étoiles dont on a mesuré la position avec exactitude. Et quand je dis avec exactitude, c'est à peu près la précision avec laquelle on verrait une pièce d'un euro posée à la surface de la Lune. Donc voilà, avec ce genre de précision sans précédent, il y avait eu des précédents relevés d'étoiles. Alors les relevés d'étoiles, ça remonte à l'Antiquité, avec des savants notamment grecs comme Hipparchos qui ont fait des premiers relevés d'étoiles à l'œil nu. Ensuite, on peut refaire un peu l'histoire, remonter à la Renaissance avec des savants comme Tycho Brahe qui, là encore, à l'œil nu, relevait la position des étoiles. Puis après, on a inventé la lunette. Au cours du 18e, 19e siècle, on est les premiers relevés à la lunette. Mais depuis les années 90, notamment, il y a eu le prédécesseur de Gaïa qui s'appelait Hipparchos, en hommage au savant grec, qui a fait des premiers relevés astrométriques. Donc, on dit astrométrique, relevé de la position exacte des étoiles, avec précision. Et Gaïa, révèle la position de 10 000 fois plus d'étoiles qu'Hipparchos avec une précision encore sans précédent. Et c'est important de déterminer la précision des étoiles, de la position des étoiles avec exactitude, parce que non seulement on a leur position sur la voûte céleste, le plan du ciel, ce qu'on appelle leur mouvement propre, comment ces étoiles se déplacent, mais le plus difficile d'accès, c'est la profondeur à laquelle elles se trouvent, la distance exacte sur le fond. Par rapport à nous sur le fond, effectivement. Ça, c'est très difficile à mesurer. Et c'est ce que Gaïa a fait par la méthode qu'on appelle de la parallaxe. La parallaxe, c'est simplement le changement de position apparente d'un objet lorsque l'observateur, ici la Terre, se déplace. Lorsque la Terre, au cours de sa révolution autour du Soleil, donc la Terre a différentes positions selon qu'elle se trouve d'un côté ou de l'autre du Soleil. Du coup, on observe une étoile avec une position apparente différente par rapport au fond qui se situe encore plus loin des étoiles encore plus loin en arrière-plan. En mesurant cette petite différence d'angle entre deux positions de la Terre sur son orbite du Soleil, on mesure la distance exacte de l'étoile. Et connaissant cette valeur, en fait, ça permet de dater assez précisément l'âge de l'étoile. Pour dater l'âge de l'étoile, on se sert essentiellement de la luminosité de qu'émet l'étoile, mais pour être sûr que cette luminosité est due effectivement intrinsèquement à l'étoile et pas seulement au fait qu'elle se situe en fait plus proche de nous que l'on pensait, il faut connaître cette distance exactement pour ensuite en déduire l'âge de l'étoile. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, vous évoquiez le fait que ce domaine s'appelle l'archéologie galactique, puisqu'il s'agit un peu à la manière d'archéologue de remonter dans le temps de la Voie lactée. Et donc l'idée, c'est de retrouver un peu les fossiles, les étoiles fossiles, finalement les étoiles qui seraient les plus vieilles de notre galaxie et qui auraient gardé trace, notamment par les propriétés chimiques de leur surface, qui auraient gardé trace de quel était, par exemple, l'état de la composition du gaz interstellaire à l'époque de la formation de la Voie lactée. Et donc ce sont ces vieilles étoiles qui sont en fait des étoiles plus petites que le Soleil, qui, comme elles sont plus petites, elles brûlent leur hydrogène à l'intérieur plus lentement, et donc elles peuvent durer des milliards et plus d'années. Plus les étoiles sont grosses, plus leur durée de vie est courte, pour dire ça rapidement. Mais alors justement, tous ces relevés, Sylvain, qu'est-ce que ça nous raconte justement de l'histoire de notre galaxie? Ces étoiles, d'ailleurs, c'est rigolo, on parle d'archéologie galactique, ces étoiles, on les appelle des étoiles fossiles, parce que ce sont une trace, effectivement, du passé, des débuts de la formation de la Voie lactée. En traçant le mouvement de ces étoiles, alors c'est que le début, puisque Gaïa a offert offre une telle masse de données. Je vous dis 1 milliard d'étoiles et c'est pas fini parce qu'un autre catalogue est prévu pour dans 2 ans, que les astrophysiciens sont à peine en train de commencer à essayer de le dépouiller. Mais en retraçant le mouvement de ces histoires, de ces étoiles, on retrace donc leurs orbites au sein de la Voie lactée et aussi donc leurs orbites présentes, mais aussi on peut remonter les équations en les faisant défiler en arrière dans le temps pour essayer de voir quelles orbites elles avaient par le passé. Et par exemple, vous mentionnez qu'on sait, une hypothèse, c'est que les galaxies grossissent en avalant d'autres petites galaxies qui sont plus proches. La galaxie, la Voie lactée, par exemple, est entourée de petites galaxies naines et on suppose qu'elle a absorbé d'autres de ces galaxies par le passé, que c'est comme ça qu'elle grossit. Et on peut, en étudiant, je vous disais, la lumière de ces étoiles, on peut en déduire leur composition chimique. Toutes les étoiles ne se ressemblent pas. On peut observer, ah, cette étoile-là, aujourd'hui, elle fait partie de la Voie lactée, mais elles sont similaires à la composition de cette étoile-là. Et ensemble, en fait, ce sont des populations restantes d'une galaxie qui a été absorbée par la Voie lactée. Et, ou d'une galaxie qui est passée à travers de la Voie lactée. Parce qu'on quand on parle de galaxies qui en avalent une autre, ce ne sont pas toujours des collisions frontales, puisque l'espace entre les étoiles sont très grands, les étoiles se choquent rarement entre elles, mais les galaxies peuvent se traverser comme ceci. Et il y a notamment une galaxie naine de la Voie lactée, qui s'appelle la galaxie du Sagittaire, dont on pense qu'elle est passée par le passé à plusieurs reprises au travers de notre galaxie. Et aujourd'hui, on observe, notamment avec Gaïa, les traînées d'étoiles de cette galaxie du Sagittaire qui se sont perdues en route à travers le halo de notre galaxie. Voilà. C'était il y a très peu de temps, hein, puisque c'était il y a 600 millions d'années, donc voilà. À l'échelle de la galaxie, c'était hier. La galaxie, c'est rien. Ouais. Avec Gaïa, on suppose aussi qu'on a vu l'effet encore aujourd'hui de l'absorption d'une galaxie, cette fois plus grosse, qu'on appelle Gaïa Enceladus. Ça serait il y a 10 milliards d'années, donc vraiment assez tôt dans l'histoire de la galaxie. Une galaxie assez grosse, qui pour le coup a été absorbée par la Voie lactée. Et l'absorption de cette galaxie aurait laissé, encore aujourd'hui, la trace dans un léger mouvement d'oscillation des étoiles dans le plan de la galaxie qu'a capté Gaïa. Des étoiles qui oscillent comme ça légèrement dans le plan de la galaxie et qu'on peut capter. Et donc ce mouvement d'oscillation, on suppose qu'il est la trace encore de cette accrétion assez ancienne. Et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est de se rendre compte que à travers Gaïa, par exemple, il y a aussi des recherches de jumelles du Soleil parce que il y a d'autres étoiles qui ont été formées au même endroit, mais évidemment tout ça bouge, c'est un peu un effet de comme sur une table de billard, et donc on essaie de retrouver finalement les jumelles perdues de notre étoile. Je trouve ça hyper joli. Oui, et les étoiles migrent. Oui. Les étoiles ne naissent pas à un endroit fixe et ne restent pas là pour leur vie entière. Au contraire, les étoiles migrent. Le Soleil, donc, qui est né il y a environ 5 milliards d'années, est né d'un nuage de gaz interstellaire qui s'est effondré sur lui-même et qui a donné naissance à une pouponnière d'étoiles, plein de petites étoiles et donc plusieurs étoiles. Donc effectivement, le Soleil a des sœurs jumelles ou des jumeaux. En observant la lumière de ces étoiles, on peut en faire ce qu'on appelle leur spectre, c'est-à-dire en déduire leur composition chimique. Et justement, on essaye de trouver ces étoiles qui ont la même composition chimique que le Soleil. On en identifie quelques-unes et qui sont situées assez loin dans la galaxie. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, ces étoiles ont bougé par rapport à leur existence. Il se pourrait qu'effectivement, le Soleil, qui se situe aujourd'hui à 28 000 années-lumière environ du centre de notre galaxie, il se pourrait que le Soleil soit né plus près et ensuite migré à la position où nous sommes aujourd'hui. Et puis alors, on va pas avoir beaucoup de temps pour tout détailler, mais il y a aussi toute une partie du dossier qui est assez passionnante sur la notion de champ magnétique d'une galaxie entière. Et ça, c'est assez spéculatif, mais c'est assez fou. Oui, effectivement, parce que effectivement, on s'imagine tout de suite des étoiles quand on pense à une galaxie. Comme je vous disais au début, la galaxie est aussi formée de gaz qu'on ne voit pas nous-mêmes à l'œil nu, de matière noire bien sûr, mais le champ magnétique est aussi un élément important. Donc les champs magnétiques, on sait qu'il y en a à l'échelle de la Terre, on sait qu'il y en a à l'échelle du Soleil, des étoiles, mais il y en a aussi à l'échelle de la galaxie, et ça c'est effectivement plus difficile à étudier, parce que ce champ galactique est très faible et très dilué, mais on suppose qu'il a une influence pas forcément sur la structure. On ne sait pas encore s'il a une influence sur la structure globale de la galaxie, on ne sait pas, mais en fait il joue un rôle assez important dans la naissance des étoiles, que je vous mentionnais tout à l'heure, le Soleil. Et justement, étudier ce champ magnétique permet d'étudier comment les étoiles se forment dans notre galaxie. Caroline, Pierre, la pouponnière d'étoiles, ça vous a plu, Caroline? Je trouve ça passionnant. Vraiment, c'est quelque chose qui est... Et en effet, Gaïa, ça oui. apporte un lot de connaissances, de données qui est énorme. D'ailleurs, c'est paradoxal, parce qu'on, notamment Nicolas Prantsos, qui est un des astrophysiciens qu'on a interrogé pour faire ce dossier, nous dit que, oui, d'un autre côté, on apprend plein de choses avec toutes ces nouvelles données. D'un autre côté, avec cette masse de données impressionnante, on est aussi un peu perdu et on perd en quelque sorte un peu la vision globale qu'on avait de la Voie lactée, puisque du coup maintenant ça pousse les chercheurs à se spécialiser vraiment sur des points très précis. Par exemple, je disais qu'il y avait un disque, mais en fait il se trouve qu'il y a plusieurs sous-structures dans ce disque. Et du coup, il y a des physiciens qui se spécialisent sur telle sous-structure, d'autres groupes de physiciennes et de physiciens sur telle sous-structure. Du coup, on est dans une période où voilà, il y a cette hyper spécialisation qui arrive, et on espère dans le futur reconstruire une vision globale de la galaxie qui sera beaucoup plus riche que celle qu'on a aujourd'hui, mais qui est encore à écrire. Milky Way de Rosetta Tharpe sur France Culture à 16h35. Puisque nous parlions de la Voie lactée, c'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Deuxième dossier donc de cette émission, le microbiote. Alors vous allez me dire encore le microbiote, je vous répondrai toujours le microbiote, encore on en veut du microbiote. Pas le microbiote d'ailleurs, mais les microbiotes, ou plutôt cette entité composite qui est notre corps humain et que l'on appelle holobionte. Alors Caroline, la compréhension des différentes colonies bactériennes et virales de plusieurs de nos organes promet en fait vraiment une nouvelle approche médicale dans un certain nombre de pathologies. Oui, le dossier qu'on consacre donc au microbiote, cette fois-ci, si vous voulez, Science et Vie, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on avait repéré ce phénomène qui venait directement des laboratoires, qui était issu de nouvelles méthodes de séquençage haut débit de l'ADN qui permettait tout d'un coup de voir tout un univers qu'on n'avait jamais vu. Donc on est parti d'un premier stade de constat, de découverte fondamentale, à une nouvelle époque qui s'ouvre et qui entre dans l'ère de l'application. Et l'application, c'est à voir donc avec des utilisations du microbiote, de la façon dont il fonctionne, dont il interagit avec nous, de sa nature, de sa composition, pour permettre à des gens qui souffrent de maladies de se soigner. C'est aussi une vieille histoire qui revient toujours. C'est vrai qu'il y a dans la médecine chinoise quelque chose qui s'appelle la soupe jaune, qui est une sorte de préparation à partir d'excréments, tout à fait, d'excréments humains. Et ben c'était une bonne idée. Et si vous voulez, on va vraiment... C'est les premières greffes fécales. Exactement, les toutes premières greffes fécales. Et là, on va vraiment vers des choses qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus basées sur des connaissances précises. et qui peuvent être et qui ont donnent lieu à des essais cliniques. Alors le microbiote intestinal, on en a effectivement beaucoup parlé. Il y a effectivement d'autres microbiotes. En fait, il y en a toute une variété et tout ça, tout cet être qui est constitué par nos cellules d'une part, mais par toutes ces variétés insondables de populations bactériennes et virales, on appelle ça l'holobionte. Alors c'est un mot qui émerge en effet. Holobionte, holo tout et bionte bio vie. C'est vraiment l'idée que on serait une sorte de chimère mi-humaine, mi-microbienne, et que contrairement à ce qu'on a pu penser pendant longtemps, les bactéries sont pas juste des petits êtres vivants qui nous habitent, mais qu'on est vraiment dans une sorte d'interdépendance symbiotique. Et puis ce que vous soulignez au début de la présentation du dossier, c'est que en effet, il y a la partie sur le microbiote intestinal qui permet d'avoir des applications, mais qu'il y a tout un champ qui s'ouvre avec les microbiotes. Et que clairement, on est sûrement aussi passé pendant longtemps à côté de l'intérêt des bactéries qui sont sur d'autres parties de notre corps, la peau évidemment, on pense au nez, on pense à la bouche, et un endroit beaucoup plus surprenant, et notamment surprenant pour les médecins, pour la médecine, c'est les poumons, qui ont longtemps, très longtemps été considérés comme stériles. Présence de bactéries dans les poumons, ça voulait dire infection, et pas du tout, en fait, on s'aperçoit, même s'il y a beaucoup moins de bactéries résidentes que dans nos intestins, qu'il y a quand même un microbiote pulmonaire, et il commence à être caractérisé. C'est extrêmement intéressant aussi de comprendre son interaction, ce microbiote, avec le microbiote intestinal, par exemple. On s'aperçoit aussi qu'il pourrait y avoir possiblement un microbiote cérébral. Mmh. On a trouvé des traces qui permettent d'imaginer, voilà, qu'il y aurait des bactéries aussi, un microbiote dans le cerveau. Ça reste quand même à démontrer, mais il y a des indices. Et vraiment, la grande question maintenant, c'est comment tous ces microbiotes interagissent les uns avec les autres. Ça devient pas tellement raisonnable de les considérer comme des microbiotes séparés les uns des autres, et encore moins séparés de nos cellules humaines. Tout ça interagit, mais là, dans cette partie-là, on est de nouveau à une nouvelle ère, un début de recherche fondamentale, un début de compréhension de tous ces mécanismes complexes. Et ces microbiotes, que si on prend celui de la bouche, de la peau, de l'intestin ou des poumons, ce sont tout de même, par ailleurs, même si ils interagissent, ce sont des microbiotes très différents. Oui. C'est pas la même quantité, c'est pas la même qualité. Non, c'est pas la même composition, c'est pas la même quantité. Et puis, ils ont pas la même interaction directe avec l'environnement. Évidemment, le nez, la bouche, je vous entends tousser, on est vraiment très souvent en contact avec l'extérieur par le nez, la bouche, le ventre aussi. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée que, par exemple, le cerveau aura un microbiote. Comment est-ce que les microbes arrivent là? Comment est-ce qu'ils sont renouvelés? À quel moment ils apparaissent? Il y a vraiment toute une connaissance qu'on n'a pas encore sur la genèse de ces microbiotes, qui débute là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, cette histoire de symbiose interdépendante, par exemple, notamment, on s'intéresse beaucoup en ce moment au microbiote des muqueuses et des voies muqueuses, et on se rend compte que les muqueuses, en fait, elles font tout pour garder, pour conserver, pour attirer et pour emprisonner finalement toutes ces bactéries extérieures. Exactement, que c'est vraiment une sorte d'équilibre permanent, un équilibre qu'il faut en permanence rétablir, et qu'il peut y avoir un lien entre des troubles du microbiote, des inflammations, puis des pathologies, et que c'est pareil, c'est vraiment ce sont des zones du corps dans lesquelles on voyait plus les microbes. On a beaucoup parlé de bactéries, mais il faut aussi parler des virus, hein, le virobiome, ou quelque chose qui est aussi terrain incognita, là, vraiment, on est au tout début de l'exploration. Et pourquoi d'ailleurs? Je pense que c'est aussi parce que c'est des questions techniques, déjà, à la base, et puis d'application, de recherche, hein, c'est-à-dire, au tout début aussi, il y a eu Pasteur avec la facilité de repérer des bactéries. C'est tout comme ça que ça se joue pour le microbiome. Mais clairement, maintenant, ça y est, pour le virus, on commence à s'y intéresser sacrément, je pense qu'on se réserve des sacrées surprises avec ça, ouais. De quel type, par exemple? Notamment, l'idée que ces virus, et puis qu'ils pourraient interagir également avec les bactéries, ça devient une histoire de poupée russe, c'est-à-dire qu'on va avoir des virus qui interagissent sur les bactéries, bactéries qui interagissent avec nos cellules. Donc on sait un peu comme l'histoire de Gaïa et de la galaxie, c'est qu'on commençait à avoir l'impression qu'on avait une vision bien claire avec un beau microbiote intestinal et puis des cellules humaines. Voilà un petit pas qu'on a plein de microbiotes, et puis qu'en plus ces microbiotes, c'est pas que des bactéries, c'est aussi beaucoup plus de virus que ce qu'on imaginait, avec des tas d'interactions. Ça se complexifie et ça donne un champ de possibles énorme. Et notamment, c'est voilà, on pensait que le microbiote ou que ces bactéries, elles aidaient, qu'elles prenaient, qu'elles se substituaient finalement à certaines fonctions physiologiques. En fait, on se rend compte que même elles produisent des métabolites qui elles-mêmes sont nécessaires pour le fonctionnement de cellules. Ah oui, ça c'est vraiment, oui, ça c'est très clair maintenant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est vraiment une sorte d'usine indispensable, et que c'est via la production de métabolites, des peptides ou de tas de sortes de molécules que il va y avoir une interaction, que c'est presque, on pourrait raconter une histoire qui serait que on est un support et qu'ils ont intérêt à, que les bactéries ou ce monde-là a intérêt à nous maintenir en bonne forme pour pouvoir continuer à se développer. Et c'est un peu ça qui se passe. Et c'est vrai que quand il y a un déséquilibre, c'est là où la médecine vient vraiment s'appuyer sur le microbiote maintenant, quand il y a un déséquilibre ou qu'il y a une maladie, une pathologie, l'idée de compter sur son microbiote pour rétablir une bonne santé, ça devient vraiment, c'est pas anecdotique, il y a énormément d'essais cliniques, il y a des choses qui sont aussi désormais démontrées sur certaines infections des intestins, il y a des résultats qui sont, on peut dire, miraculeux, il y a des essais cliniques sur ces infections qui ont été arrêtés avant la fin de l'essai clinique parce que les résultats étaient tellement bons que c'était plus éthique de continuer à donner le traitement standard. On utilise là une greffe de microbiote. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, d'autres très pionnières, encore expérimentales, mais vraiment ça pullule. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire que vraisemblablement dans les années à venir, ça va aussi changer la pratique de la médecine, du soin. On va analyser finalement, l'analyse du microbiote pourrait devenir une sorte de passage obligé pour comprendre, pour mieux cerner un certain nombre de pathologies qui sont de pathologies physiologiques à même la dépression. On avait consacré il y a peu de temps une émission au lien entre microbiote et dépression, il y a des liens qui sont très très très très intéressants. Très clair, oui. C'est vrai que ça permet aussi d'avoir une carte qui commence à se préciser, c'est-à-dire qu'on avait des indices sur le fait que certains types d'alimentation peut contribuer à lutter contre la dépression ou à d'autres formes de maladies qui ont un lien avec le cerveau. Et en brique par brique, on commence à comprendre ce qui se passe. Typiquement, nourrir ces bactéries d'une certaine façon leur permet de produire, de sélectionner certaines de ces bactéries qui produisent plutôt un certain type de molécules qui vont agir sur le cerveau. Tout ça se tient et c'est aussi une façon de mieux comprendre, encore une fois, de pouvoir mieux agir. Et puis vous parliez de s'intéresser au microbiote dans le cas de patients qui sont atteints de maladies où on n'y pense pas forcément. Sur les cancers, il se passe des choses très intéressantes actuellement, sur notamment l'idée que en prenant soin du microbiote, en évitant notamment certaines cures d'antibiotiques pour certains cancers qui sont traités par certains types de traitements, des immunothérapies, eh bien on permet d'améliorer, d'augmenter l'efficacité de ces traitements. Donc il y a vraiment, même dans des endroits où on ne s'y attendait pas, un intérêt important à se focaliser sur le microbiote. Et puis il y a aussi des pistes de recherche intéressantes sur des liens justement entre des organes qui n'ont pas du tout le même fonction et qui dialoguerait via le microbiote, notamment un axe intestin-poumon. Oui, l'axe intestin-poumon dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est vraiment. Bon, là, on est vraiment dans la recherche fonda. Hein. Ça, c'est. On ne sait pas encore bien où on va aller, mais ça semble plus que logique d'imaginer que si le lien cerveau-intestin fonctionne et que on a de plus en plus de preuves de qu'il est très documenté, son importance, oui. Voilà, qu'il est documenté, celui entre les poumons et les intestins aussi. Voilà, on est parti sur cette piste-là. Pierre, vous qui vous intéressez au parasitisme, là c'est de la symbiose, c'est du parasitisme positif. Oui, c'est non seulement de la symbiose, mais en plus du mutualisme pour l'essentiel. Donc quelque chose qui est passionnant. Et moi, ce que ça m'évoque en fait, cette histoire de l'holobionte, c'est l'impact que ça va avoir aussi sur les recherches fondamentales en évolution. Parce que si on découvre aujourd'hui le microbiote, lui, il existe très probablement depuis des millions, voire des milliards d'années pour des associations entre êtres vivants. Et donc le fait que les êtres vivants ont interagi depuis aussi longtemps entre eux, fait qu'il y a probablement des circuits évolutifs entre êtres vivants. Et notamment là, on est hôte de tous ces microbiotes. La question qui reste à se poser, c'est qu'est-ce que ça comme un impact sur notre évolution. Et moi, il y a un des aspects qui me passionne énormément, c'est sur l'embryogénèse. C'est-à-dire que le microbiote va potentiellement avoir un impact sur la formation des organes. Et donc, on a un programme génétique qui va nous permettre d'avoir un organe fonctionnel à un endroit. Mais si le microbiote est absent, est-ce que cet organe fonctionnera aussi bien? Est-ce que la croissance cellulaire, tout ça, n'est pas influencé par le microbiote? Et donc, ça, c'est une erreur qui m'intéresse particulièrement. Ouais. Mais vous expliquez d'ailleurs dans le dossier de Science et Vie, Caroline, qu'il y a une partie de notre génome qui est héritée vraisemblablement directement du microbiote. Oui, il y a eu des études qui ont montré, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais qu'en effet on a un héritage important, je n'ai plus la proportion, peut-être vous en souvenez. 8% viral, ça c'est sûr. 8% d'ADN viral, c'est ça. Mais sur le microbiote. On n'a plus les chiffres, on pourra les retrouver, mais en tout cas, ça répond en partie à cette question du fait que nous avons évolué également grâce à nos microbiotes. Voilà, c'est un dossier à lire dans le Science et Vie de ce mois-ci. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h45, dernier dossier avec cette question que vous avez en tête tous et toutes. Mais pourquoi sont-ils si mignons? Comment ne pas se poser cette question face à la déferlante de vidéos de petits animaux de compagnie beaucoup trop mignons, des chats, des chiens, même des petits renards roux domestiqués qui sont vraiment très très très mignons sur des sites que l'on pourrait regrouper sous la bannière commune de « It's so cute, it makes you sick ». C'est si mignon que ça finit par vous rendre malade même. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que cette mignonnerie des animaux domestiques, Pierre, elle peut s'expliquer justement par le biais évolutif. Oui, et alors nous on va essayer de se concentrer aujourd'hui sur les canidés en se posant la question de est-ce que Lassie était le seul fidèle compagnon de l'humanité au balbutiement des civilisations, ou est-ce que Maître Renard aurait pu également être accompagner les humains à ce début de cette aventure commune. Et comme nous l'explique Jennifer Kerner, alors absolument aucun lien, dans l'ouvrage collectif Retour vers le Paléo, les chiens domestiques existent depuis bien longtemps. On en a des preuves, notamment parce qu'on a trouvé des dépouilles de chiens domestiques, notamment dans le site de l'abri du Morin en Gironde, qui date du Magdalénien, il y a environ 13 000 ans. On a retrouvé d'autres dépouilles dans d'autres sites funéraires, mais c'est un petit peu plus compliqué. Il y a par exemple ceux du site d'Elzievechi en Russie, désolé si j'écorche ce nom, donc qui daterait de 17 000 ans, et ensuite du site de Razboïnichi en Sibérie, qui serait âgé de 33 000 ans. Le problème avec ces sépultures-là particulières, c'est qu'on ne sait pas d'une part si ce sont des chiens domestiques, et d'autre part si on peut les dater de manière aussi efficace, parce que ces dépouilles n'ont pas été datées directement, mais elles ont été trouvées dans des lieux qui, eux, ont été datés à travers la datation d'autres objets. Donc, c'est un tout petit peu compliqué de dater cette émergence du chien domestique à partir de dépouilles. Il y a une autre manière de dater, je pense qu'il y a plusieurs émissions que vous avez consacrées sur le sujet, qui s'appelle la paléogénomique, en utilisant notamment donc l'étude des ADN anciens et le principe de l'horloge moléculaire, qui permet aux paléogénéticiens d'estimer l'émergence du chien domestique et notamment de sa divergence avec les espèces sauvages. Avec le loup en l'occurrence. Le loup gris. Parce que c'est la même espèce. Hein, le chien domestique et le loup, on oublie de le dire, mais ouais. Votre chihuahua est potentiellement, il y a un loup qui sommeille dans votre Yorkshire. Oui, et pour pouvoir affirmer ça, il faut dire que du coup, ils sont reproductibles ensemble. On ne veut pas avoir d'image de ça. Non, mais... surtout pas. Ça, jamais. On passe à autre chose tout de suite. Voilà. En tout cas, on peut dater le temps de divergence de ces populations, qui serait estimé entre 40 000 ans et 15 000 ans avant Rintintin, si je puis dire. Et du coup, la domestication à partir de populations de loups gris, elle est de fait très très précoce dans l'histoire de l'humanité, et elle semble éclipser de fait l'intérêt de domestiquer une autre espèce de canidée, puisqu'à partir du moment où on en a une, une collectionnite de domestication, c'est quand même quelque chose de difficile à obtenir. Mais le fait est que le loup gris n'était pas présent sur l'intégralité du globe, et il y a des régions dans lesquelles il y avait déjà des humains pour lesquelles d'autres canidés se seraient prêtés à la domestication. C'est par exemple le cas du renard qu'on a retrouvé notamment dans la péninsule arabique, du chacal dans la péninsule arabique, et le renard roux au Proche-Orient. Donc des régions dans lesquelles le loup gris ne serait pas prêté, puisque tout simplement il était absent des niches écologiques. Et d'ailleurs, dans le cas du renard, il y a plusieurs sépultures humaines, notamment du site funéraire vieux de 16 500 ans de Uyun al-Hammam, qui se trouve dans l'actuelle Jordanie, qui contiennent des crânes et des os de renard, laissant supposer que à cet endroit-là, eh bien, c'est le renard qui aurait été domestiqué et non pas le chien, qui aurait donc accompagné ici, à cet endroit-là, les humains. Mais le fait de retrouver dans des sépultures des crânes de renards, ça ne suffit pas à prouver la domestication. Il y a une autre manière en fait dans laquelle on peut avoir la présence de ces ossements. C'est tout simplement des trophées, des rituels. Prendre une bête sauvage et la mettre comme un trophée de chasse à l'intérieur. Donc comment les chercheurs se mettent à essayer de prouver que ces sépultures contenant des ossements de renards provenaient bel et bien d'éléments de domestication? Alors il y a une piste qui a été trouvée par une équipe d'archéologues espagnols et suisses qui ont publié leurs résultats en début d'année dans la revue Archaeological and Anthropological Sciences. Et dans leur article, ces chercheurs documentent la découverte de nombreuses dépouilles de canidés dans des tombes sur le site de l'âge de bronze de Can Roqueta et Mine Ferry, qui se trouvent dans la côte dans les plaines occidentales de la Catalogne. Et ces sites par contre sont vieux, c'est de l'âge de bronze, hein, 5000 à 4000 ans. Et dedans, ils ont découvert 4 squelettes articulés complets de renards, donc qui suggèrent un dépôt rituel, qui ne présentent aucune marque de de travail de boucherie. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des traces de couteau qui évoqueraient plutôt que qui auraient suggéré une consommation de ces animaux. Donc, on a une première piste. On a des sépultures de complets, difficiles à obtenir, de renards en présence de d'humains. Mais ces chercheurs ne sont pas arrêtés là pour déterminer le type de relation qui pouvait exister entre ces renards et ces humains. Et ils ont notamment étudié le régime alimentaire de ces canidés à l'aide d'une analyse minutieuse des isotopes de carbone et d'azote conservés dans le collagène de leurs os. Ça, on l'utilise de manière assez régulière en archéologie pour pouvoir savoir quelle était l'alimentation d'humains, mais aussi de vaches, et en l'occurrence ici de ces renards et d'autres canidés. Et ce qui a surpris ces chercheurs, c'est la similitude des résultats entre certains des renards, les chiens et les humains de ces sépultures, qui suggéreraient un régime alimentaire très proche entre les canidés et leur potentiel maître, et surtout un régime alimentaire éloigné de la carnivorie pure, typique d'espèces qui seraient à ce moment-là complètement sauvages. Et il y a un de ces renards, un des quatre, qui en particulier semble avoir bénéficié d'un traitement de faveur. D'une part, il était d'un âge avancé. En plus, les os d'une de ses pattes attestent de traitement pour guérir d'une fracture. Et son régime alimentaire semble très proche de celui que pouvaient donner des humains cherchant à nourrir de jeunes chiots. C'est-à-dire qu'ils sont capables de voir que c'était un peu de la bouillie de céréales qui leur étaient données. C'est-à-dire que c'est un truc classique de la domestication, c'est-à-dire que les animaux domestiqués finissent par consommer le même type de nourriture que leur maître ou le reste, enfin quelque chose de similaire, quoi. Alors c'est une bonne remarque, parce que c'est quelque chose qui est typique de la domestication, mais qui est aussi typique d'une autre étape de la domestication, celle qui précède la domestication et qui est tout simplement l'apprivoisement. Là, ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle le commensalisme, le fait de manger la même nourriture. Mais en fait, on le voit dans d'autres espèces, comme par exemple les souris ou les pigeons, qui peuvent manger de la nourriture qui sont typiques des humains, mais on peut pas pour autant dire que ces espèces ont été domestiquées à ces moments-là. J'ai un pigeon domestique qui s'appelle Bernard, qui est très sympathique. Bah écoutez, c'est bien, mais pour pouvoir dire qu'il y a domestication, en fait, il faudrait que vous ayez croisé Bernard avec un autre pigeon, en fait, que vous, d'une certaine manière, documentiez le contrôle que vous avez sur la reproduction de cette espèce. Et ça, malheureusement, ces balbutiements-là de recherche ne permettent pas de le prouver encore. Donc on a des éléments de réponse qui permettent de penser qu'il y a eu apprivoisement, en tout cas local, de ces renards, mais pas encore de domestication. Mais c'est une première piste. L'idée de domestiquer des renards n'est pas saugrenue. Et peut-être que vos auditeurs se demandent à ce moment-là, on a à l'heure actuelle des renards domestiques, ce qui serait particulièrement kawaii, comme on l'a dit. Et justement, oui, parce qu'il y a un éthologue russe qui a fait des expériences pour essayer justement de voir en combien de générations un renard sauvage allait pouvoir devenir un renard domestique. Tout à fait. Et cet éthologue, en fait, il s'est inspiré d'autres tentatives précédentes qui, alors, avaient pour objectif quelque chose de beaucoup moins reluisant, c'était d'obtenir de la fourrure de renards. Et donc, ils ont établi des camps de domestication, notamment en Sibérie, de ces renards, mais cet éthologue, ce biologiste en 1959, qui s'appelait Dmitri Konstantinovitch Belaev, il voulait comprendre, lui, les mécanismes évolutifs de la domestication, et donc il entreprend sur une population de renards sauvages dans une ferme sibérienne la domestication d'une population en ne prenant que comme critère de croiser des individus moins agressifs. Et il obtient des populations diverses de renards domestiqués en moins de 35 générations. Et donc, il obtient des renards toutous. Si vous pouvez regarder sur YouTube, c'est très mignon. C'est très, très, très incroyable. Mignon. C'est vraiment terrifiant. On en veut, quoi. Absolument. Mais alors, du coup, ça n'explique pas vraiment encore pourquoi l'évolution vers la domestication sélectionne justement ces traits de mignonnerie. Eh ben, alors que Dmitri Belaïev ne fait que caractériser, ne fait que utiliser le critère de l'agressivité et de la possibilité de s'approcher de ces renards, il observe très très rapidement l'émergence de caractéristiques qui forment ce qu'on appelle maintenant le syndrome de la domestication. Des pelages qui commencent à avoir des couleurs différentes, mais aussi des oreilles tombantes, et notamment des queues courtes et recourbées qui sont typiques, notamment de ce qu'on peut observer chez des chiots. Ou chez maintenant ces renards justement jeunes. Le concept qui est derrière, c'est que la sélection d'une diminution de l'agressivité serait accompagnée par en fait la conservation de traits dits néoténiques, c'est-à-dire de traits juvéniles qui se poursuivent jusqu'à l'âge adulte. Parce que cette queue recourbée, en fait, on la retrouve chez des loups, mais pendant une période très courte de leur vie et qui est uniquement à un moment où ils sont juvéniles. Et donc, ce que fait la domestication, en essayant de diminuer l'agressivité, c'est de prendre en autostop plein de caractéristiques, comme ces caractères néoténiques qui les rendent particulièrement kawaii. Ce qu'on appelle le pédomorphisme. Exactement. Également. Et puis, on a noté aussi des grosses modifications des niveaux hormonaux de ces animaux. Oui, et ça, on le sait depuis pas mal de temps, mais également grâce à une analyse qui est parue au mois d'août de l'année dernière, notamment grâce au séquençage du génome. C'est-à-dire que les études là, donc l'expérience de Dmitri Believ, elle est encore en cours, on continue de faire ces croisements, et à travers ces croisements, on étudie le génome de certaines souches donc de ces renards, et à travers l'étude et la comparaison de leur génome, on est capable de voir qu'est-ce qui change, et notamment il y a des niveaux hormonaux et voir des mutations qui apparaissent là où c'est un peu plus passionnant, je trouve, dans des gènes qui sont liés à l'agressivité. Et donc, comme perspective, ça serait de permettre peut-être éventuellement de trouver des répercussions sur les études génétiques du comportement humain. Donc de travailler à travers la kawaiitude des renards. La mignonnerie des renards, et que bah, grâce à ce que vous venez de nous dire, on comprend bien maintenant que le chat donc n'a pas du tout été domestiqué, et que c'est à l'inverse lui qui nous a domestiqués en tant qu'espèce humaine. On arrive à la fin de cette émission, tous les gens qui ont un chat savent que c'est lui le propriétaire de nous et pas l'inverse. Caroline, d'autres choses que vous avez vues dans l'actualité scientifique? Non, moi je voulais juste réagir, oui, que quand je pense de petits animaux mignons, domestiqués, tout ça, je pense toujours aux gremlins, là, il faut pas les nourrir après minuit. Pardon, c'est une règle très bizarre. On a un numéro spécial Science et Vie sur Game of Thrones qui sort, qui est en kiosque. Pour la dernière saison. Qui vous raconte la fin, ou presque. Enfin, si vous en avez envie, c'est vous qui voyez. Sylvain, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité scientifique? Là, je suis le redémarrage des observatoires LIGO et Virgo, donc, qui sont ces grands instruments sur Terre qui essayent d'observer l'univers encore à la recherche d'ondes gravitationnelles, qui seraient produites notamment par la fusion de trous noirs. Et donc on les a déjà observés avec ces instruments, et là on rentre dans une nouvelle étape où on espère en observer encore beaucoup plus et commencer vraiment à avoir des résultats fondamentaux intéressants. Il y a une nouvelle campagne effectivement qui a été lancée. Pierre, il y a quelque chose que vous avez vu? Moi, je vais parler d'une actualité passionnante, c'est celle de la sortie d'un livre qui est en relation justement avec ces premières fois de l'humanité. C'est Retour vers le Paléo, qui est sorti le 3 avril aux éditions Flammarion, avec notamment Jennifer Kerner, mais aussi Clotilde Chamussy, Marion Sabourdi et Aurélie Bordenave. Et donc, si vous vous intéressez à toutes ces notions de première fois, et notamment donc les premiers chiens, mais aussi peut-être aussi la domestication de la levure cette fois-ci, qui est même un élément très important. Un animal de compagnie tout à fait sympathique aussi. Voilà. Et beaucoup de choses comme ça qui paraissent très très modernes et pourtant qui sont très anciennes. Merci beaucoup à tous les trois. Et puis on peut aussi préciser que le programme du festival Paint of Science est en ligne depuis ce matin. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission At la Méthode FC. Vous pouvez réserver dès à présent vos places pour l'événement qui aura lieu du 20 au 22 mai dans 54 villes de France. Et puis on salue la camarade Élodie Chabrol par la même occasion. Merci beaucoup Caroline Tourne à la une de Science et Vie ce mois-ci. Eh bien, le microbiote qui peut soigner toutes sortes de maladies. Sylvain Guilbeault, c'est à la une de la recherche. La voie lactée. Voilà. Et Pierre Kerner, sur votre blog, le dernier billet, quelque chose? Eh bien, je pense que je vais republier cette chronique. Eh bien, voilà. C'est très intéressant. Si vous voulez réviser, vous pouvez retourner sur Strange Stuff and Funky Things. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Éléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, lundi, nous parlerons de l'usage thérapeutique des drogues. Mardi, il sera question des lunes glacées de Jupiter et Saturne. Mercredi, on parlera de la 5G, mais aussi de l'émission, un petit bout d'émission spéciale consacrée à cette annonce vraisemblablement d'une première photo d'un trou noir supermassif. Jeudi, on vous racontera les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune, et puis ce sera un vendredi fiction pour les 40 ans du premier film Alien. Nous explorerons les recoins obscurs du space horror, l'horreur spatiale. Ce sera donc vendredi prochain. Ne ratez pas demain, comme tous les samedis, la conversation scientifique du camarade Etienne Klein. C'est à 16h. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.